bien aimé. Je fus très étonnée, c'est ça, allez, plus rien ne va. L'élégance d'autrefois, celle qui vous rendait belle, vous l'avez vendue au moins que rien. C'est moins que rien qu'ils sont, que des fauteurs de trous, anarchistes, cosmopolites. Les citoyens du monde, anti-racistes immondes, vous faites honte à nos ancêtres. À chaque sticker scrollé, you welcome réfugié, je m'empresse les arracher. Avant que ce soit moi qui me fasse écorcher par Moussa, médecin bien intégré. Et toi mon petit Camilla, avec tes cheveux violets, tu es l'échec de ta famille. Combattant LGBT, membre de la Gestapo, son genre à lui c'est plutôt Gauthier Arnaud. Me promenant dans la rue, j'ai croisé une bande de gauchistes à Rouen les Drais. S'étaient-ils déguisés? Et ainsi j'ai compris qu'ils reniaient juste leur patrie et qu'ils cissaient bon nombre d'immigrés. Regarde-moi tous ces Français qui se font emmerder par ces sales rats. Où sont les arbres? On devrait déboiser, nettoyer le quartier et en finir de leur religion paix. Barbès, Ménil, Montant, Château Rouge, Château d'Eau, vous n'êtes pas seul à être détruite. Et moi, si je le pouvais, je vous réanimerais en expulsant ces êtres dégoûtants. Paris m'a bien aimé, je fus très étonnée, c'est ça, allez, plus rien ne va. L'élégance d'autrefois, celle qui vous rendait belle, vous l'avez vendue au moins que rien.